L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Existe-t-il un lien entre les trous noirs supermassifs des galaxies et le halo de matière noire supposé baigner ces mêmes galaxies? Une petite équipe d'astrophysiciens libanais tente d'apporter une réponse à cette question très intéressante. Pour établir une éventuelle connexion entre la masse du trou noir supermassif situé au cœur d'une galaxie et la masse du halo de matière noire, il faut trouver un point d'entrée observationnel. La propriété galactique qu'ont sélectionné Bassem Sabra et ses collègues dans cet objectif est la vitesse circulaire maximale de la galaxie. Plus précisément, ils ont étudié la relation qui peut exister entre la valeur de la masse du trou noir supermassif et la valeur de la vitesse circulaire maximale. L'astuce réside dans le fait que cette valeur de vitesse de rotation doit dépendre de la masse de matière noire présente dans le halo galactique. C'est la seule hypothèse que considèrent les astrophysiciens libanais. Donc, si une corrélation existe entre la masse du trou noir et cette vitesse de rotation, cela implique également l'existence d'une corrélation entre la masse du trou noir supermassif et la masse de matière noire. Dans leur étude, à paraître dans The Astrophysical Journal, les chercheurs se sont intéressés à de nombreuses galaxies de tous types. La seule nécessité était qu'elles devaient avoir une mesure directe de la masse de leur trou noir supermassif, ainsi qu'une mesure directe de la vitesse circulaire et de la vitesse de dispersion des étoiles. D'autres analyses de ce type ont été effectuées dans le passé, mais en utilisant une méthode plus indirecte, en étudiant la corrélation existante entre vitesse circulaire et vitesse de dispersion dans le bulbe galactique, avec une hypothèse sur la relation entre vitesse de dispersion dans le bulbe et masse du trou noir supermassif. Les astrophysiciens libanais estiment qu'une mesure directe de la masse du trou noir supermassif est bien plus préférable pour déterminer une corrélation, car plus directe et sans hypothèse intermédiaire. L'échantillon de galaxies initiales exploitées, offrant les mesures nécessaires à l'analyse, masse du trou noir déterminée par des mesures dynamiques et vitesse circulaire ou vitesse de dispersion, se composait de 376 galaxies. Après une sélection drastique des meilleures candidates, permettant les incertitudes les moins fortes, il n'en restait plus que 89. Les masses des trous noirs utilisées dans l'échantillon s'étalent entre 1,1 million de masses solaires dans une galaxie nommée Sirius, pour le plus maigre, jusqu'à 17 milliards de masses solaires dans NGC 1277, pour le plus lourd. C'est dire si cet échantillon couvre toute la famille des trous noirs supermassifs. Bon, vous vous demandez ce que ces chercheurs trouvent. Eh bien, je vais vous le dire. Ils trouvent qu'il n'existe pas de corrélation, ou bien elle est très très faible, entre la masse du trou noir supermassif central d'une galaxie et la masse de son halo de matière noire. Il faut préciser que cette étude porte uniquement sur des galaxies relativement proches de nous, c'est-à-dire situées dans l'univers actuel. Cette précaution sur l'aspect temporel est importante, car des études effectuées en 2011 ont montré que dans l'univers jeune, c'est-à-dire lointain, une telle corrélation devait être importante. Il reste néanmoins une population de galaxies qui défie cette analyse. C'est celle des galaxies spirales sans bulbe possédant un trou noir supermassif, pour lesquelles on ne peut pas étudier une éventuelle corrélation par cette méthode de la vitesse circulaire ou de la vitesse de dispersion stellaire. Les auteurs concluent leur article en évoquant ce à quoi on semble avoir échappé. Le fait que si une telle corrélation entre masse de trou noir supermassif et masse de halo de matière noire devait persister dans l'univers actuel, cela impliquerait l'existence de trous noirs hypermassifs au cœur des halos de matière noire des amas de galaxies. Ces monstres s'éloignent donc un peu de notre perspective. L'article est à paraître dans The Astrophysical Journal, mais trouvable sur le site de Preprint Archive, avec le titre « The Black Hole Dark Matter Halo Connection » par Bassem Sabra et al. À très bientôt sur « Ça se passe là-haut », restez bien à l'écoute. C'est le www.ça-se-passe-là-haut.fr avec des tirets. Bon ciel à toutes et à tous !